Merci beaucoup à l'association de m'avoir invité et puis à Jérôme d'avoir organisé cette table ronde. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter en fait un... Enfin, j'ai choisi de parler d'une source en réalité précise qui me semble poser ces questions d'histoire matérielle et partiellement, j'y reviendrai, d'histoire visuelle. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que c'est une source avant tout textuelle, c'est-à-dire c'est un texte qui parle d'objets et qui parle aussi partiellement d'images et de regards. Excusez-moi. Donc, cette source particulière, c'est les scellés après décès. Je reviendrai tout à l'heure sur la différence qu'il peut y avoir avec les inventaires après décès, qui sont des sources notariées qui se ressemblent, mais entre lesquelles il y a quand même des différences. Et moi, j'ai utilisé cette source, donc, comme le disait Jérôme Bazin, dans ma thèse, qui était une thèse sur la consommation des classes populaires parisiennes à la Belle Époque. Et même s'il y a une partie d'histoire culturelle dans cette thèse, j'ai voulu partir avant tout des objets, d'une histoire beaucoup plus économique et sociale. Et donc, j'avais une volonté en fait très positiviste, et je voulais retrouver des objets. Je voulais savoir ce qu'avaient les gens dans les classes populaires à la Belle Époque à Paris. Alors, il y avait les objets, puis il y avait aussi les modes d'achat, les circulations, les transactions, la valeur autour des objets. Mais pour voir tout ça, quelque part, il fallait d'abord que j'ai des objets. Donc, ça a pris un peu la forme d'une traque pour savoir où je pourrais les retrouver. Et avec cette idée que je voulais aussi m'intéresser à des objets qui étaient à l'intérieur des logements, parce qu'il y avait un peu des études, notamment sur les vêtements, qui se voient dans l'espace public, mais je voulais aussi savoir ce qu'il y avait dans les logements. Quand on essaye de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les logements, en fait, il y a quelques représentations d'intérieur populaire à la Belle Époque, mais finalement assez peu. En tout cas, il y a celle-là qui est assez célèbre, donc qui est dans une série de photos de jeunes Alger, l'intérieur d'une ouvrière rue de Belleville en 1910. Alors, avec tout un doute sur le fait, on ne sait pas si c'est réellement une ouvrière, parce que son pendant qui est l'intérieur d'un ouvrier est en fait l'intérieur d'Alger lui-même. Donc voilà, on ne sait jamais vraiment qui l'a photographié. En tout cas, bon, je y reviendrai à la fin, mais justement, après tout le détour que je ferai par les scellés, il s'agit bien d'un intérieur populaire et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, il y en a une autre que j'ai trouvée plutôt après ma thèse, d'ailleurs. Je me rends compte que je me suis chronométrée. Qui est donc un logement de la cité Jeanne d'Arc, une photo prise par Marie-Louise Branger en 1912. Et donc, j'y reviendrai, mais là, on a aussi un intérieur populaire. Hein, c'est le même intérieur, là, avec les habitants lassants. À première vue, on a quand même l'impression que ces deux intérieurs n'appartiennent pas exactement au même milieu social. Et en même temps, il est assez difficile de dire précisément pourquoi. Et c'est justement en faisant un détour par un passage massif par les objets qu'on peut réinterpréter ces images. Donc je voudrais quand même présenter rapidement la source, qui a donc été ma source principale en termes d'histoire matérielle, qui était donc ces scellés après décès, qui sont des sources qui sont conservées dans les archives, enfin, qui sont faites par la justice de paix. Donc la mise sous scellé, c'est un acte judiciaire que fait un juge de paix ou son greffier assistant. Et c'est un acte à but conservatoire, c'est-à-dire l'idée, c'est de conserver les biens, de protéger les biens contre d'éventuels vols. Donc le juge se déplace dans un logement, appose des bandes de fil blanc cacheté de cire rouge sur certains meubles ou parfois à l'entrée de certaines pièces, voire sur la porte d'entrée du domicile. Et ces mises sous scellé, elles ont lieu très majoritairement à l'occasion d'essais, même s'il y a aussi des mises sous scellé pour faillite ou des mises sous scellé pour divorce, qui sont beaucoup moins fréquentes. Si le juge estime qu'il n'y a pas assez de biens de valeur, il procède à ce qu'on appelle une description simple. Donc il n'y a pas de scellé, en fait, mais juste on décrit tous les objets du logement pour être sûr que certains ne vont pas être volés. Alors matériellement, les sources, les dossiers de scellé, ça se présente comme ça. Donc on a un dossier, une chemise avec le nom de la personne. On sait si c'est une description ou si c'est des scellés. On a généralement son statut matrimonial, son adresse. Et sa profession, pas toujours. Donc c'est des dossiers individuels avec tous les procès-verbaux à l'intérieur de ces actes. En fait, il y en a beaucoup, puisqu'il y a tout ce qui amène à la pose de scellé proprement dite, le fait que le juge soit saisi, qu'il se déplace, qu'il décrive les objets. Et ensuite, il y a toute une partie de la procédure qui va amener à la levée des scellés. Donc les héritiers se manifestent ou pas, on demande à un commissaire-priseur de venir ou pas, etc. Alors ces différentes phases, ça peut être très rapide, ça peut être quelques jours, mais ça peut aussi être plusieurs mois s'il y a des gros conflits familiaux, par exemple. La richesse de cette source, elle vient du fait que, certes, on a des objets, mais en fait, ils sont enchâssés dans des dossiers qui peuvent être très volumineux et qui permettent, en fait, de reconstruire les trajectoires biographiques, ou en tout cas, une partie de ces trajectoires des gens, des habitants qui habitaient dans ces logements. Et donc on voit hein, notamment l'entourage ou l'absence d'entourage. Donc ça permet aussi de faire une histoire sociale plus large. Alors la description des biens proprement dite, vous l'avez là, elle occupe entre 15 lignes et 3 pages. Ça dépend des scellés, donc ça dépend évidemment de la richesse des intérieurs. Donc ces objets sont la plupart du temps décrits seulement par leur nom. Donc là, on a une toilette en... Alors là, j'arrive évidemment pas à lire, je suis trop loin. En mauvais état, une petite table, etc. Bon. Donc on peut avoir, on a généralement le nom de l'objet, on peut avoir la taille, on peut avoir le matériau et on peut éventuellement, surtout si c'est des vêtements, avoir la couleur. C'est à peu près toutes les précisions et parfois des précisions d'usage en mauvais état par exemple. Voilà. Alors, on pourrait rapprocher cette source de, donc, des inventaires après décès, qui en fait ont été la source majoritairement utilisée pour faire l'histoire de la culture matérielle. Les scellés après décès, après avoir beaucoup cherché pendant ma thèse, j'ai trouvé un article qui avait été fait en Bourgogne pour le 19e siècle. En tout cas, pour l'histoire du 19e, j'ai jamais trouvé d'usage massif de cette source. Voilà. Donc, la différence avec les inventaires après décès, c'est que bon, les inventaires après décès, c'est des notaires. Ça se fait à la demande de la famille. Là, on a un acte judiciaire. Et puis, ce n'est pas les mêmes informations, puisque dans les scellés, il n'y a pas de prisée, il n'y a pas de valeur des objets. Hein. C'est juste une description. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout une source qui permet de faire une histoire des niveaux de vie. C'est vraiment une source qui permet de faire l'histoire de la consommation, mais pas des niveaux de vie. Et puis, évidemment, ça coupe socialement beaucoup plus bas, les scellés après décès, alors que j'avais commencé par les inventaires après décès, je ne trouvais aucun membre des classes populaires. Et là, c'est massivement des membres des classes populaires. Donc, ça permet justement de faire une histoire de la consommation, de la culture matérielle des classes populaires. Alors c'est une source massive, les scellés, donc moi j'avais réalisé, enfin je vous l'ai mis très rapidement, mais bon, j'ai choisi de faire une étude de cas, donc j'ai dépouillé 106 dossiers pour une seule année, 1895, dans le 10e et dans le 14e arrondissement. Je pourrais revenir sur pourquoi j'ai choisi cet arrondissement si vous voulez, mais voilà, donc j'ai dépouillé ces 106 dossiers. Et comment, qu'est-ce que j'en ai fait de ces 106 dossiers? Ben, j'en ai fait ça, c'est-à-dire des listes infinies, qui m'ont pris des mois. En gros, hein, où je retapais le contenu de ces scellés. Alors, j'ai aussi une autre base avec les individus, donc là, ils ont juste un numéro, mais sinon, il y a toutes leurs informations. Et puis, hein, l'idée, c'est ce qui est surtout important, c'est ici, hein, c'est donc les objets, avec leur nombre, etc., la pièce où ils sont, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et puis un codage, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir quelle était la grande catégorie d'objets à laquelle ils pouvaient appartenir. Une fois ces objets codés, ça permettait de les coder, c'est-à-dire là, je vous ai fait un classement, donc cuisine, tous les objets qu'on a dans la cuisine, dans plein intérieur, et puis décoration, tous les objets de décoration. Voilà. Sur ces 106 dossiers, ça peut paraître pas beaucoup, mais ça fait, comme estimation basse, 16 000 objets. Estimation basse parce que, en fait, on a souvent plusieurs ou un lot, et auquel cas j'ai compté deux, mais ça peut être 15, je n'en sais rien. Donc c'est peut-être beaucoup plus d'objets. Voilà, bon, je vais très vite, mais les individus concernés, c'était 69 membres des classes populaires. Là aussi, je pourrais revenir, si vous voulez, sur le codage social, mais ça m'a pris du temps aussi. Mais j'avais pris aussi les ménages les plus bourgeois, justement, pour avoir des points de comparaison. J'avais pas choisi que les ménages populaires. Et puis, les hommes sont quand même relativement surreprésentés, parce que si une femme meurt, on ne met pas son intérieur sous scellé, puisqu'elle est sous la tutelle de son mari, alors que si un homme meurt, là, on peut mettre l'intérieur sous scellé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces sources? Évidemment, c'est une source massive pour l'histoire matérielle, l'histoire de la consommation. La première manière de les traiter, c'est ce que je vous ai montré là, c'est de les mettre en série, c'est-à-dire de traiter tous ces objets pour essayer de savoir les variables sociales, les variables de genre, les variables d'âge. Qu'est-ce qui fait qu'on possède certains objets en fonction de sa position sociale? Donc c'est l'idée hein, de mettre en relation les différents intérieurs. Et donc ma réflexion a été guidée par la sociologie de Pierre Bourdieu. Cette thèse était dirigée par Christophe Charles, ça ne vous surprendra donc pas. C'était l'idée que je cherchais à tester, à savoir si cette théorie de Pierre Bourdieu dans la distinction se vérifiait, à savoir que les classes supérieures se cherchent à se distinguer et que les classes populaires imitent les classes supérieures. Bon alors, pour aller très vite, oui, ça marche. Et pour vous donner un résultat très résumé, l'idée, c'est qu'en fait, évidemment, dans les classes supérieures, il y a beaucoup plus d'objets, en termes de nombre d'objets. Ces intérieurs sont beaucoup plus fournis. Mais aussi, il y a une beaucoup plus grande variété d'objets. C'est-à-dire, on a plus d'objets du même type. Là, je vous ai mis un exemple, hein, mais vous voyez que dans la haute bourgeoisie, on a dans la catégorie armoire, on peut trouver des armoires à glace, des armoires à habits, des armoires à linge, porte-pleine, porte-pleine empire. Si on passe dans la petite bourgeoisie, on a déjà moins de variétés. Quand on passe dans la frange supérieure des classes populaires, moins. Et quand on va dans la frange inférieure des classes populaires, encore moins. Donc on voit bien, hein, cette variété un peu en entonnoir. C'est-à-dire là où une chaise peut être, enfin, par exemple, un bonheur du jour, qui est un secrétaire, là, on le retrouve que dans des intérieurs très grands bourgeois et il n'y a pas d'équivalent dans les classes populaires. Sachant qu'évidemment, c'est une coupe temporelle, hein, ça c'est pour l'année 1895. Voilà. Alors pour vous donner un exemple un peu plus précis, les fauteuils par exemple, vous voyez en termes de quantité, hein, dans tout le corpus, il y a 95 fauteuils dans les univers de la grande bourgeoisie, enfin dans l'intérieur de la grande bourgeoisie, 50 dans la petite bourgeoisie, 24 dans la frange haute des classes populaires, 18 dans la frange basse des classes populaires. Donc on voit bien, hein, qu'on a de moins en moins d'objets. Bon, et puis vous voyez toutes les variétés possibles dans la description de ces objets. Voilà. Alors ceci dit, on n'est pas obligé de faire cette... Enfin, si, on est peut-être obligé de faire ce traitement massif, mais il y a un autre traitement qui est possible, c'est plutôt les objets en contexte, et non plus les objets en série, c'est-à-dire prendre un seul intérieur et regarder ce que nous disent ces objets les uns par rapport aux autres, et non plus par rapport aux autres intérieurs. Et là, ça dessine en fait un portrait en creux de l'habitant ou de l'habitante. On a la reconstitution d'un intérieur. Alors là, je vous ai mis un exemple, donc c'est les scellés d'Élise Bourgoin, fille de bain parisienne en 1895, donc qui était une ancienne couturière qui devient fille de bain. Et en fait, donc il meurt à 33 ans à l'hôpital Lariboisière. Elle vit seule de son vivant dans un deux pièces qui est donc rue du Château d'Eau. Et quand on regarde tous ces objets ensemble, et évidemment comparé au traitement massif qui a pu être fait par ailleurs, on voit apparaître des spécificités, notamment le fait qu'elle a une garde-robe très fournie pour une femme des classes populaires à cette époque-là. Elle a, 37 pièces de haut et 21 bas. Et puis elle a aussi des choses assez originales dans les garde-robes, des chapeaux. Elle a 3 chapeaux, une ombrelle, un parapluie. Donc elle a vraiment, elle a aussi des accessoires qui sont assez distinguants. Alors elle est fille de bain, hein, on peut penser qu'elle a récupéré notamment un peignoir. Donc on peut penser qu'elle l'a récupéré dans son métier, voire qu'elle pouvait récupérer des habits oubliés ou en subtiliser certains. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a beaucoup d'habits par rapport à d'autres garde-robes qu'on peut retrouver. Et on voit bien là ce désir, hein, de ces jeunes femmes de classe populaire, souvent qui vivent seules, en tout cas qui n'ont que leur revenu, qui ont un salaire pour vivre, comme on dit à l'époque, de rentrer dans la consommation, notamment vestimentaire. Et on voit aussi, alors c'est plus dans ce qui est marqué décoration, on voit aussi qu'elle a investi son intérieur. Notamment, elle a mis beaucoup de rideaux. Elle en a mis 4 rideaux aux fenêtres de sa chambre, un rideau autour de son lit, un dans sa cuisine, et puis elle en a 16 autres rangés dans un placard. Donc là aussi, on voit bien qu'elle a investi le confort de son intérieur. Et bon, là, comme ça, en n'en voyant qu'un, on ne pouvait pas savoir à quel point c'est singulier, mais il y a aussi énormément d'intérieurs très démunis, très peu arrangés, etc. Donc là, on a un portrait, hein, plutôt de jeune femme des classes populaires qui vit seule, en l'occurrence elle est divorcée, et qui a investi dans son intérieur et sa consommation vestimentaire. Donc voilà, on peut aussi regarder chacun de ces documents en lui-même. Ceci dit, malgré tout, dès cette étape textuelle, on a besoin de sources visuelles, en fait, pour compléter. Parce que moi, il y avait plein d'objets, je ne savais pas ce que c'était. Un bonheur du jour, par exemple, je ne savais pas ce que c'était. Mais un lit de plume non plus, un poêle salamandre non plus. Enfin voilà. Et donc, je me suis plongée dans des catalogues de grands magasins. J'ai horreur des catalogues de vente contemporains, mais par contre, j'en ai regardé des dizaines pour le 19e siècle. Et c'est vraiment dans cet aller-retour entre ce que je voyais dans les sources écrites textuelles et la représentation des objets. Donc là, c'est un grand magasin qui vend à crédit aux classes populaires, ça s'appelle aux classes laborieuses. Et donc, ça, c'est vraiment un peu la page qui résume les objets les plus souvent vendus. Voilà. Donc, c'est le mobilier de base. Hein. Et d'ailleurs, vous avez ce qui s'appelle une chambre, ici. Vous voyez, c'est même représenté comme un ensemble. C'est un lit, une table de nuit, une armoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle une chambre dans les magasins. Et donc, c'est ce qu'on achète pour s'installer, en fait. Ce qu'un jeune ménage achète pour se mettre dans ses meubles. Quand on parle d'être dans ses meubles, c'est une armoire, un lit, une table de nuit. Et ça sert de gage au propriétaire. Donc, c'est très important. Et sans ça, on ne vous loue pas un appartement. Voilà. Et donc, j'ai eu vraiment besoin déjà d'un aller-retour avec des images pour comprendre, moi, le texte que j'avais. Donc là, il y avait déjà une première. Et puis aussi pour comprendre les gammes de prix, pour comprendre toutes les variétés d'objets que je vous ai montrés. Hein, comprendre, quand on me dit une mauvaise commode, c'est quoi une... Pardon. C'est quoi une mauvaise commode, etc. Ceci dit, je pense que c'est aussi une source, alors de manière beaucoup plus exploratoire, c'est évidemment une source pour l'histoire matérielle. Laissez-les après décès, c'est une évidence. Mais je pense que de manière plus exploratoire, c'est aussi une source pour une histoire visuelle. Et d'au moins deux manières. D'abord, parce que ça rend compte d'un regard sur les intérieurs, qui est le regard du juge de paix et du greffier, et aussi parce que, évidemment, on voit apparaître les images comme des objets, comme disait Jérôme Bazin en introduction. Donc, un regard sur les intérieurs, en fait, la lecture d'un procès-verbal de la pose de scellé après décès ressemble assez étrangement à un court-métrage avec une voix off. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de suivre, même spatialement, hein, le juge de paix et son assistant greffier qui, petit à petit, arrive au logement. Donc là, je vous ai mis un extrait. Donc, après avoir été saisi par le gérant de l'immeuble où la défunte était locataire, le juge écrit « Nous nous sommes transportés, assistés donc du greffier, assermentés au domicile de la défunte. Étant arrivés en la dite maison, nous avons donné connaissance du motif d'un transport à la concierge, donc Stéphanie Chalon, y demeurant. Nous l'avons invité à nous conduire dans la chambre qu'occupait la défunte. Aussitôt étant montée, et là il décrit tout le trajet pour arriver jusqu'à la chambre située au cinquième étage, au-dessus de l'entresol du corps de bâtiment sur le devant, ouverture faite de cette chambre en l'air. À l'aide de la clé en possession de Madame Crétin. Voilà. Et après, il décrit tous les objets. Alors, c'est Manuel qui a travaillé conjointement avec ces deux sources, les inventaires après décès et les scellés après décès dans sa thèse, qui écrit, je te cite, Manuel, mais ça m'a vachement servi, les scellés qui saisissent... J'écris « Les scellés saisissent son appartement comme un instantané ». Et effectivement, on a vraiment une sensation de photographie des lieux, et donc ils permettent de mieux saisir les objets dans les lieux. Et effectivement, hein, le juge décrit pièce par pièce, donc dans la chambre, et ensuite meuble par meuble, donc vous avez dans la commode, sur la commode, etc. Donc vous pouvez vraiment vous représenter, plus ou moins, un intérieur. Alors parfois, il y a aussi vraiment des moments très instantanés, notamment, il y en a un qui m'avait frappé, c'est qu'il rentre dans une pièce où... Alors parfois, il y a le corps, notamment dans la chambre, hein, nous reconnaissons sur le lit le corps de Madame Machin, et il y en a un où il ferme la fenêtre parce que la marchande de journaux est morte à l'hôpital, on dirait qu'elle vient de sortir, il rentre et il dit qu'il ferme la fenêtre. Évidemment, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'entrée possible en cas de vol, et en même temps, on voit bien là un usage des lieux. Donc on a vraiment la reconstitution visuelle d'un intérieur, saisi à travers le regard de celui qui fait le PV. Et en même temps, évidemment, cette découverte, elle est médiée par les mots du greffier, du juge. Et c'est Daniel Roche, hein, qui dit à propos du discours notarié, mais ça marche évidemment pour les scellés, que ces sources posent la question du rapport des mots aux choses et du vocabulaire aux nuances du vécu. Puisqu'effectivement, il va falloir ramener à des grandes catégories un objet qui, a priori, n'est pas aussi simplement saisissable. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a des juges de paix ou des greffiers qui sont quand même des notables, des petits ou des grands bourgeois. Bon, les juges de paix, c'est plutôt en bas de la hiérarchie judiciaire. Bon, c'est pas la très grande bourgeoisie, généralement, mais enfin, c'est au moins des notables qui se retrouvent à décrire des intérieurs populaires, parfois extrêmement démunis. Donc on peut penser qu'il y a quand même une distance, hein, entre la vie quotidienne de ces hommes et les intérieurs qu'ils décrivent. Les descriptions, dans leur très grande majorité, sont très précises, très pointilleuses même, et généralement neutres. Et on voit seulement apparaître quelques notations très faibles de ce qu'il faut appeler littéralement un jugement de valeur, c'est-à-dire, qui est d'ailleurs généralement un jugement d'absence de valeur. Le juge décrit jusqu'au point où il considère que les objets n'ont plus de valeur. Donc on a des mentions comme « vieille harde ne méritant pas description »,« chiffon, fouillis, débarras, détritus », voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint là une limite sociale qui ne permet plus de distinguer l'utilité des objets pour les habitants. Or, si ces objets sont conservés dans des habitats très étroits, c'est qu'ils avaient évidemment une utilité, en tout cas un usage possible. Alors ça pouvait être que les habitants considéraient qu'ils allaient encore servir. Ça pouvait être aussi de les vendre aux chiffonniers qui allaient passer pour les chiffons, par exemple. Mais en tout cas, ces objets sont stockés dans les domiciles. Alors pour finir, c'est aussi une source pour l'histoire des images, évidemment, cette source-là, puisque dans les 106 logements étudiés, 99 contiennent au moins une image. Donc on a seulement 7 logements où il n'y a aucune description d'image. Donc c'est vraiment une très grande majorité. Et on voit bien hein, le mouvement général de la société du temps qui est d'avoir de plus en plus d'images, et ça se reflète vraiment dans ces sources-là. Donc on a des images, des photographies, des portraits de famille, mais aussi hein, des images du monde, des journaux d'actualité découpés, etc. Et donc ces 99 logements contiennent 705 images, au moins, puisque là on a aussi souvent un lot de gravures, etc. Donc c'est probablement beaucoup plus, mais estimation basse, 705 images. Alors on en a de toutes sortes, je crois que je l'ai mis là. Donc là c'est toute la possibilité de la description. Donc on a des peintures, des gravures, des dessins, des pastels, portraits en cheveux, photographies, esquisses, chromolithographie. Et quand on regarde en détail, donc plutôt en revenant ici, donc c'est la ligne illustration, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui distingue la coupure sociale, elle est à la fois dans la quantité d'images possédées, puisque vous voyez que par intérieur, quand on est dans la grande bourgeoisie, il y a 17,4 images. Ça n'a pas valeur de moyenne, c'est juste pour pouvoir comparer les groupes entre eux. Et quand on est dans le bas des classes populaires, on a 4 images par intérieur. Donc là, on voit bien que déjà, il y a une plus grande proportion d'images. Et puis, évidemment, ce n'est pas du tout des œuvres de même nature. En gros, il y a un croisement capital culturel, capital économique. D'un côté, dans la bourgeoisie, on a les œuvres artistiques plutôt uniques ou reproduites à peu d'exemplaires. Et plus on va dans les classes populaires, plus on a des œuvres en série, plutôt sur du mauvais papier. Alors, pour détailler un peu, dans la bourgeoisie, on a des images de prix, des tableaux, des peintures. Sur les 222 tableaux et peintures mentionnés par la source, c'est plus, 264, pardon, mentionnés par la source, 88% sont dans les logements bourgeois. Donc là, on voit bien que la peinture, évidemment, est dans les intérieurs bourgeois. On a aussi des dessins à la plume, des esquisses au crayon, des pastels, des aquarelles. Alors, on ne peut pas connaître la valeur économique de ces œuvres. Il y a une exception notable, c'est un propriétaire de 72 ans qui a un tableau de Fragonard, dont on sait juste qu'il représente une femme nue, mais c'est la seule œuvre identifiée par son auteur. Pour le reste, on a des mentions vagues, on a donc les thèmes classiques, des natures mortes, des sujets religieux, naissance de la Vierge, Sainte Thérèse, des paysages, etc. Et puis, dans ces univers bourgeois, on a aussi des gravures, des lithographies assez nombreuses. Dans les classes populaires, on a aussi quelques gravures, mais surtout des lithographies et des photographies, et particulièrement des chromolithographies, donc ces éditions en couleur qui sont considérées comme très vulgaires à l'époque. Et d'ailleurs, le chromo, ça a comme sens, selon le Robert, image en couleur de mauvais goût. Donc on voit bien là que le goût des classes populaires marque évidemment la valeur de cette image, c'est le principe de la distinction. Donc pour se distinguer, on considère que ces chromos sont de mauvais goût et on les voit uniquement dans les logements les plus pauvres. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas la même culture visuelle selon qu'on fait partie de ces classes populaires ou pas. Et les photographies, ça c'est aussi assez intéressant, sont présentes en plus grand nombre dans les logements populaires que dans les logements bourgeois. On est au tout début. Mais la fonction de remémoration, elle est en fait remplie dans la bourgeoisie par des peintures, par des portraits, et dans les classes populaires par la photographie. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a un lien homologique entre l'invention du crédit à la consommation et la photographie. Le crédit à la consommation est inventé par Jacques Crépin pour vendre des photographies. Donc on voit bien là qu'il y avait une vraie demande sur cet objet précisément. Dans les logements populaires, enfin, dernière chose, on voit que la moitié des logements sont à l'écart de cette marée d'images, en fait. Donc il y a la moitié des logements qui ont des images et l'autre moitié qui en ont très peu. On va dire ça, voilà. Alors c'est pas facile de comprendre pourquoi. Il y a deux interprétations. Soit il y a des logements à l'écart, presque sans images, soit les juges, c'est pas les mêmes. Il y en a qui décrivent les images et d'autres non, parce qu'ils considèrent justement que des extraits de journaux affichés au mur, ça n'a pas de valeur, et donc ils les décrivent pas. Donc c'est pas facile de savoir, évidemment. Dernière chose qu'on peut voir quand même à partir de cette source, je vous ai dit, on a à chaque fois l'objet dans la pièce, et donc on peut voir notamment où sont les images. Donc là, on est vraiment sur la question d'une histoire matérielle des images, des images comme objets. Et en fait, on voit qu'elles sont très majoritairement affichées dans les chambres. Quasiment la moitié sont affichées dans les chambres, suivies par le salon, la salle à manger, donc les pièces de réception. Et donc on voit quand même que l'image reste plutôt un objet, en tout cas dans ce corpus, plutôt un objet de l'intime. En tout cas, reste de manière importante un objet de l'intime. Et d'ailleurs, Michel Perrault, dans sa description dans Histoire de chambre, fait une description des chambres ouvrières où elle dit justement ça, que les images envahissent les murs au point de les submerger, c'est une seconde peau. Les ouvriers sont assoiffés d'images, les leurs, celles de la presse. Ils apprécient les placards colorés des journaux, etc. Donc pour finir, on peut dire que les scellés, c'est une source textuelle qui décrit majoritairement une culture matérielle, mais aussi partiellement une culture visuelle, celle de l'enquêteur, celle des habitants. Et si on revient sur les photographies que je vous montrais au début, cette photographie d'Adjé et la photographie de Branger juste derrière, en fait, c'est intéressant parce que ce détour par les scellés permet de rendre beaucoup plus lisibles ces images d'intérieur qui sont un peu des apaxes, il y en a très peu, de les mettre en contexte. Et en fait, on peut dire, par rapport à tout l'étude que j'ai pu faire des objets, En fait, on a ici la hiérarchie interne des classes populaires, une hiérarchie sociale interne, c'est-à-dire que cette intérieure d'une ouvrière, alors qui est probablement une femme de bijoutier, parce qu'il y a un diplôme de bijoutier qui est affiché au mur là-bas, elle est dans le haut des classes populaires, elle est rentrée dans la consommation, on voit bien le soin qui est accordé à l'intérieur, et pourtant, on est vraiment dans un logement populaire, c'est une seule pièce, vous voyez, il y a le lit, juste à côté le réchaud, et juste derrière le coin de toilette, donc c'est une pièce unique. Donc là, on sait quand même, pièce unique, c'est vraiment les classes populaires, mais probablement le haut des classes populaires. Et en même temps, on voit hein, à la fois le rangement sur les murs, ça sert de décoration, mais c'est aussi du rangement. Il y a des objets qui sont rangés, accrochés sur les murs, mais il y a aussi des images. Alors que dans la photo qui est à peu près à la même époque hein, de Branger, là on est vraiment dans le bas des classes populaires, dans un beaucoup plus grand dénuement, il n'y a pas de papier peint au mur, il y a beaucoup moins d'objets, hein. Pourtant l'espace a l'air un peu plus grand, mais aussi parce qu'il y a moins d'objets, et pourtant il y a aussi des images, et on voit notamment entre eux là, affichées sur le mur derrière eux, il y a notamment une image pieuse en haut, qu'on peut distinguer, une image ici de la Vierge. Voilà. Donc on voit aussi des images, mais pas du tout dans le même contexte, et un intérieur beaucoup plus sommaire. Donc c'est intéressant d'avoir fait ce détour par l'histoire matérielle pour revenir à une source plus de l'histoire visuelle et pouvoir la faire parler différemment. Merci beaucoup. Soit on a des objets et des images, mais on n'a pas forcément le texte qui va autour, je pense. Et sur ces photographies, est-ce qu'on sait un peu comment elles ont été prises? Parce que j'ai le souvenir des photographies dans les appartements, dans les caves à Berlin, où en fait on sait que le photographe a réorganisé l'espace et il a enlevé beaucoup d'images, il n'a laissé que les images de Bismarck et Guillaume II, donc on voit les gens poser à côté des images de Bismarck et Guillaume II. Et en fait, c'est. L'espace est bien le bon, mais l'aménagement des objets n'est pas du tout celui dans lequel il vit. Sur Adjé, il y a une mise en scène, elle est certaine. Après, en tout cas, il y a une. Mais on la connaît assez marginalement en réalité. On sait juste que donc, l'intérieur d'un ouvrier, c'est le sien. Donc là, on. Enfin, ça peut parler de la définition qu'il a de lui-même, mais en tout cas, on sait que c'est son intérieur. Et Branger, je n'ai pas trouvé de contexte sur cette image. Donc effectivement, il faudrait chercher probablement beaucoup plus. Pour pouvoir effectivement la mettre en contexte. Après, j'aurais tendance à dire, il y a une autre source que j'ai très peu exploitée, mais qui sont les scènes de crime, des archives de police où en fait il y a des corps, mais il y a aussi du coup, là pour le coup, sans mise en scène, puisque c'est photographier le réel de ce qui s'est passé. Et ce logement ressemble assez à un certain nombre de logements qu'on peut voir. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas à quel point il y a une mise en scène sur celui-là précisément. Par ailleurs, la cité Jeanne d'Arc est connue pour être un lieu d'habitat très précaire, etc. Une cité, juste à côté, il y a les chiffonniers. Donc, il est assez cohérent qu'on soit dans des classes populaires précaires. Après, il y a peut-être eu une mise en scène de ces classes populaires pour cette photo. C'est possible.